entrepreneur. Non seulement que t'es investi, sache que la recette du bonheur, sachez même que d'ailleurs je vous la revends tous les jours. Et vous la rachetez toujours. Cycle de vie des produits bénéficiés, profit des panneaux publicitaires. J'en pose même sous la terre. Moi je ne sais faire que ça. Vous regardez, y'a moi. Je suis un visionnaire, un loup solitaire des affaires, un gestionnaire. Faites l'ombre, moi la lumière. Oh, je vous vendrais la terre si je pouvais le faire. Je dépasse majoritaire sur des marchés prioritaires. Un actionnaire qui choisit de ne pas investir dans des vaccins type sida, malaria, car ça ne rapporte rien. Je me vends corps et âme plutôt à l'oncle Sam. Je garde à l'esprit la montée de l'Asie. Je maximise mes profits pour s'en faire des ambitions d'économie. Dans le monde d'aujourd'hui, je suis un visionnaire, un loup solitaire des affaires, un gestionnaire. Faites l'ombre, moi la lumière. Oh, je vous vendrais la terre si je pouvais le faire. Un visionnaire. Nous on a l'overdose, symbole occidental du bien-être maximal, de la joie, de l'amour. Vous en cherchez toujours. Vous savez qu'aujourd'hui tout est question de prix, moi-même je l'ai compris. C'est pour ça que je sais dans vie, je vis bien, oui merci. J'aime ma philosophie. Je suis un visionnaire, un grand Manitou des affaires, en solitaire. Je vous vendrai la terre. Oh, je vous vendrai ma mère si je pouvais le faire. Oh, yeah. Un visionnaire.